L'école de musique va recommencer en septembre avec les inscriptions lors du forum des associations. Pour les enfants, à partir de quel âge peuvent-ils commencer ? Dans le cadre des cours, on a des cours d'éveil pour les petits en maternelle, 3-4 ans. Ah, c'est bien ça. Voilà. Mmh. Et après, ça commence à 6-7 ans. On va dire. Oui. Le plus souvent, il y a un petit peu de solfège et à côté l'instrument. Mais il est toujours bon de commencer très tôt, parce que pour le sens du rythme, etc., ce sont des acquis. C'est merveilleux de pouvoir commencer tôt la musique, non ? Oui, puis les enfants ont des facilités plus jeunes à s'approprier un instrument. C'est plus compliqué après quand on a 40 ans ou 35 ans. Ou éminemment beaucoup plus compliqué quand on est plus vieux, oui, évidemment. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil, plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Nous sommes entre Jidi et la musique de cinéma. Et oui, musique western. Notre invité est là pour nous parler d'une soirée à Jidi ce soir et demain à Sandillon. Organise ça ? C'est les deux écoles de musique, et de Jidi et de Sandillon, qui produisent ces deux soirées-là. Et nous avons une élève de ces écoles-là, voilà, qui s'appelle Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Tu as quel âge ? 10 ans et demi. Et tu joues de quel instrument ? Je joue de la guitare. Seras-tu parmi les musiciens des deux concerts qui ont lieu ce soir et demain ? Non. Parce que depuis combien de temps joues-tu de la guitare ? Ça fait 3 ans que j'en joue. D'accord. C'est toi qui as choisi cet instrument au départ ? Oui. Oui ? Oui, c'est pour faire de la basse plus tard. Pour faire de la basse plus tard ? Oui. Parce que quel style de musique tu aimes écouter, toi ? De la pop. Oui. De la pop rock aussi. J'aime bien écouter du métal, un petit peu de rock, et puis j'aime un peu tous les styles, en fait. C'est formidable à ton âge de se mettre comme ça à un instrument et d'avoir déjà des aspirations musicales. Emily, oui. Donne-moi un artiste de pop rock ou de métal. Comment ? Comment, voilà. C'est bien ce que je pensais, comment ? T'as pas ton Google là aujourd'hui, là t'es bloqué. Mon ordinateur devant moi. Il a tout révélé. Mais maman va nous dire son préféré. Artiste pop. Ou métal. Zao, j'aime bien. D'accord. Tu connais ? Oui, mais il y en a d'autres qui me viennent comme ça, mais j'ai peur de pas être dans le style. Tu as l'image, voilà. Non, mais j'adore en plus, moi, alors je suis très éclectique en goût musical, contrairement à ce que tu peux penser. Ouais, je dis rien. Alors, le papa est là. Oui. Est-ce que Manon joue déjà en orchestre ou seule ? Alors non, c'est dans le cadre de l'école de musique de Sandillon, les élèves jouent en individuel. Et là, on mène une réflexion actuellement pour permettre aux élèves, dès le plus jeune âge, d'apprendre à jouer tous ensemble. Oui, de sortir un peu des cours particuliers traditionnels, on va dire, et d'apprendre d'ores et déjà, très tôt, le plus tôt possible, à jouer... À jouer avec deux ou trois autres musiciens ensemble. Ce qui est très compliqué. Oui, on s'en est rendu compte lorsque les enfants passent à l'école, à l'orchestre junior, oui, où là, du coup, la difficulté pour les enfants, c'est de jouer avec d'autres musiciens, avec d'autres instruments aussi. Et de bons élèves qui vont être excellents et avoir acquis un certain niveau déjà en cours particulier, vont se retrouver en difficulté quand ils sont... Savoir écouter son instrument tout en écoutant les autres et garder le rythme, et souvent, c'est la difficulté. Donc là, la réflexion que mènent les enseignants avec l'équipe de l'association, c'est de permettre, peut-être dans la saison prochaine, que les enfants jouent tous ensemble. Ah, ça serait formidable. Voilà. Donc, direction pour ça, si vous voulez des renseignements, direction les écoles de Jidi et Sandillon, à la rentrée dans les différentes rencontres, forums des associations qui auront lieu à Jidi et Sandillon. Voilà, début septembre, oui. Donc, déjà, il y aura tout ça. Donc, si les enfants veulent commencer la musique et à fortiori chez vous pour avoir déjà une idée de jouer en orchestre, c'est formidable, ça, c'est une belle initiative. Ouais, oui, parce que peut-être si je peux parler rapidement de l'école de musique de Sandillon, nous avons 68 élèves. Inscrit à l'école de musique dans différents cours de solfège et d'instruments. Tout instrument confondu, oui. Et nous avons donc les deux orchestres juniors et adultes qui représentent à peu près une quarantaine de musiciens. Et tout au long de l'année, nous animons des fêtes de la ville, la commémoration du 8 mai, la foire aux arbres. Il y a toujours un peu de musique au coin de la rue. Alors maintenant, peut-être bientôt en concert, ça serait pour quand éventuellement l'an prochain, après 3 ans de cours, peut-être, non ? Encore un temps, un petit peu. Je pense qu'il faut être un peu plus patient. Encore 3-4 ans, peut-être. Ouais. D'accord. Puis après, ça dépend aussi de chaque enfant, de chaque élève, de sa progression aussi avec l'instrument. Donc, Manon, c'est beaucoup de travail, la musique à la maison ? Bah, un petit peu, parce que des fois, ça perturbe le temps libre. Ah ! Mais c'est du plaisir quand même. Ouais, un petit peu. À quel rythme travailles-tu la musique, toi ? Tous les jours Des fois, c'est tous les jours. Des fois, c'est 5 fois par semaine. Bon, c'est beaucoup quand même, oui. Ça change à chaque fois. Et un cours par semaine à l'école de musique, à peu près Oui, c'est le lundi à 17h. Très bien. en solo pour l'instant, mais peut-être bientôt avec d'autres. Bah, le solfège, oui, pardon, le solfège oui. se fait oui, en, voilà. en collectif et l'instrument en individuel. Oui, toujours le solfège. Et on avance pas à pas au solfège. C'est bien le solfège aussi. Là, tu le dis, c'est bien. Oui. C'est indispensable. C'est, oui, voilà, oui, c'est un ensemble. Comme disait Sébastien, c'est, tout est du travail, tout est question de travail aussi. Il y a la passion d'un côté, le talent. Il faut la passion, le talent et le travail. S'il y en a un des trois qui fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, voilà. Bravo, Émilie. Très bien. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est si tu demandais là tout de suite un titre, parce que tu sais que c'est un magicien, Sébastien. Faut que je me tourne de l'autre côté. Oui, il vas-y, peut rapidement avoir un titre. Alors, par exemple, tu peux demander n'importe quoi. Si tu avais envie d'écouter quelque chose là tout de suite, qu'est-ce que tu demanderais, Manon ? Zao. Zao, Leste Kuma, c'est ça ? Oui. Bah voilà, rien pour voilà. toi sur Radio Arc-en-Ciel, Zao. Ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas. De ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps. Je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Et demain on aura zappé. Et pas. Laissez les coumas. Laissez les parler. Laissez les coumas. Laissez les coumas. Laissez les parler. Laissez les coumas. Laissez les coumas. Laissez les parler. Laissez les coumas. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. Faire de la musique et puis il faut encourager les enfants à faire de la musique le plus jeune possible et bien ils pourront aller prendre des renseignements lors des rencontres, des forums, des associations à Gidi et Saint-Dion puisque les deux écoles de musique seront là pour, voilà, pour expliquer ces programmes de rentrée avec bien des originalités dont celle de pourquoi pas proposer des cours aussi collectifs entre les enfants pour les apprendre le plus tôt possible à jouer des instruments ensemble et ça c'est rare. Tout à fait. Oui. Voilà donc ça il faut le dire aussi. Manon, c'est toi Manon qui a demandé de toi-même à faire de la musique ou... D'un côté oui, d'un côté non. Ah c'est quoi le côté oui alors? Bah pour apprendre à jouer avec dans un groupe au départ je voulais faire un groupe pour contre les SDF, contre les gens qui sont pauvres. Waouh. Oh là là, c'est génial. Et du côté non parce que ça me prend du temps libre des fois. Ah d'accord. Alors le côté oui. Ah oui d'accord, ok. C'est le côté, c'est beaucoup de travail, on s'en aperçoit après. Mais il faut pas lâcher. Tu lâcheras pas, hein? Non. Non, c'est bien. Bravo Manon, en tout cas. Merci Manon. Merci, au revoir. Manon. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Et puis bravo aux écoles de musique pour toutes leurs initiatives. Là. Les écoles de musique de Gidier et Sandillon, bravo. Merci bravo à vous. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.